Vous l'avez demandé et nous avons écouté. Les prix employés Ford sont de retour. Vous payez ce qu'un employé de Ford Canada paie sur la plupart des nouveaux modèles Ford 2020, la marque automobile la plus vendue au pays. Faites l'expérience de technologies innovatrices et d'un style accrocheur sur les plus récents véhicules 2020 à un prix que vous voudrez partager à tous vos amis. C'est le temps des prix employés Ford. Visitez Jean-Dumas Ford de Dolbeau-Missassini, Saint-Félicien, Robertval et Chibougamau et profitez de ses offres exceptionnelles. Jean-Dumas Multi-concessionnaire. On va parler des Gaillards de Jonquière avec notre ami François Laberge. Le football, semble-t-il, pourrait recommencer le 14 septembre. Les ligues comme telles, le sport étudiant, on en parle avec François Laberge. Salut François. Salut Danny, ça va bien? Oui, ça va bien, ça va bien. François, si je comprends bien, le sport étudiant va recommencer le 14 septembre. Ça veut-tu dire que le camp d'entraînement va recommencer le 14 septembre ou vous êtes en camp d'entraînement pareil, là? Nous, on est, contrairement au scolaire, le scolaire a vraiment été tout arrêté à partir de la semaine dernière, mercredi dernier. Eux peuvent pas, vont juste pouvoir recommencer le 14, mais au niveau collégial, il n'y a pas d'interdiction de pratique. Donc, nous, depuis le 15 août, on est en camp d'entraînement qui se prolonge jusqu'au 14. On va avoir eu un bon mois de camp d'entraînement. OK. Donc, et les matchs vont commencer, les premiers matchs vont commencer quand? On s'attend à la fin de semaine du 19 septembre, là, pour pas se mettre trop serré. Reste à voir s'ils vont être capables, en une semaine, de céduler les arbitres, d'organiser les horaires et tout. Mais normalement, on est positif, on vise la fin de semaine du 20-21 septembre. Là. Donc, il n'y a pas de calendrier encore, là? Non, pour l'instant, il n'y a pas de calendrier, puis le calendrier va probablement se faire quelque chose comme le 14 ou le 15, donc c'est... On trouve ça très long. Je vous cacherai pas qu'on est un peu... On a hâte de savoir dans quoi on va s'embarquer. Surtout que si on regarde les mercenaires qui jouent du football civil avec des adultes d'une quarantaine d'années, commencent ce week-end. Donc, je joue samedi à Lucac. Puis, je sais que le midget Bantam Pee-wee, qui est du civil à Montréal, commence un vendredi soir et tout le week-end aussi. Donc, nous, on se demande si eux jouent, pourquoi nous, on joue pas. Donc, ben oui, c'est ça. C'est ça qu'on on comprend qu'ils voulaient laisser passer la rentrée scolaire. On peut l'accepter. Mais à partir du 19, je pense qu'on c'est légitime de penser que nous aussi, on va pouvoir jouer. OK. Donc, comment les joueurs prennent ça? Comment les parce que là, moi, j'ai su qu'il y avait des cours à distance qui se donnaient. Donc, on peut-être pas nécessairement à Jonquière. Ça doit être spécial pareil, hein? Ouais, c'est très spécial. Tout le monde avec son masque, les cours, oui. Il y a des cours, les premières années sont majoritairement en présentiel, donc en classe, mais il y a des cours qui se donnent à distance aussi. Donc, c'est un mix un petit peu des deux. C'est une rentrée scolaire, comment je pourrais dire, en espérant que ce soit la seule qui soit comme ça, c'est une rentrée scolaire particulière. Donc, il y a vraiment des choses que jamais personne n'avait vues. Donc, les masques, les mesures sanitaires, le savon partout, lavage de mains, la distanciation physique dans le cégep, dans les salles de classe, même nous, quand on fait des meetings, on faut prendre des plus grands locaux si on veut avoir tous les joueurs. Sinon, c'est 20 joueurs par maximum par local, incluant les coachs. Donc, on parle de 20 personnes. Fait que c'est toute une gymnastique spéciale qu'on doit faire pour adapter. Mais je te dirais que les gars, tout ce qu'ils veulent, c'est jouer. Okay. C'est la semaine dernière, moi, je m'attendais à quand l'annonce est tombée que le 14 septembre, le scolaire était mis en pause jusqu'au début octobre. Parce qu'au début, c'était pas supposé être le 14 septembre. Il allait jusqu'au 1er octobre. Mais là, quand les joueurs ont ça, nous, on pouvait continuer à pratiquer, les gars étaient contents. Ils étaient contents de juste pouvoir pratiquer quand certains de leurs amis du secondaire avec qui ils jouaient l'année passée se faisaient enlever leur sport carrément, ne pouvaient même plus pratiquer. Fait que les gars, c'est des passionnés, puis tout ce qu'ils veulent, c'est pouvoir jouer des matchs. Là, c'est tout ce qu'ils demandent. Pis je pense que jusqu'à maintenant, on fait bien les choses, les mesures sanitaires, lavage de mains, tout ça, à l'entrée du terrain, à la sortie du terrain. Je pense que ça va bien parce que la journée où il va y avoir un cas d'une équipe de football ou quelques cas, soyez-en certains que les nouvelles vont en parler. Les médias vont savoir. Jusqu'à maintenant. Les médias vont triper. Ben, c'est sûr que je ne dirais pas triper, mais c'est sûr que la nouvelle va être rapportée. Ouais. Puis, présentement, on est en camp d'entraînement. Il y a certaines équipes qui ont commencé depuis le 3 août. Nous, on a commencé le 15. Puis, il n'y a aucun cas à ce que je cherche au Québec. Donc, Je vois pas pourquoi, si on met deux équipes sur le même terrain, la COVID apparaîtra pas par le ciel. Puis même si c'est un cas de... Là, on tombe vraiment dans quelque chose qui n'est pas vraiment sport. Même si c'est un cas... Pas dire qu'il est malade, là. Faut pas dire, ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Comme équipe, Danny, il faut faire attention que le virus se propage pas à l'intérieur de notre équipe. T'sais, oui, si on a un cas, l'important, c'est d'être capable de retracer, d'isoler la personne. Puis à partir de là, c'est de surveiller. Est-ce que les symptômes vont se développer, se développeront pas? Non. Mais on sait pas encore. Si tu lis un article, c'est quand tu es asymptomatique, tu es contagieux. Mais d'un autre article, quand tu es asymptomatique, tu n'es pas contagieux. Fait que ça devient très difficile de prévoir puis de trouver une façon de faire une espèce de protocole parfait. Mais je pense que tu sais, l'important, c'est de, justement que les gars fassent attention. Puis si tu as des symptômes de grippe, Mais c'est une bonne nouvelle s'il est contagieux puis s'il l'a pas, parce qu'il va développer des anticorps, il va doubler j'ai un mot que j'ai de la misère à prononcer, l'immunité. L'immunité, oui. L'immunité, donc c'était. Donc, c'est d'abord, il y a un mort, je pense, au Canada, de 0 à 20 ans, si je ne m'abuse. Donc, on va parler de football, là, parce que là, on n'est pas dans le... Ouais, exactement, on s'éloigne de notre sujet. Quel genre d'équipe, on va avoir l'occasion de refaire une entrevue, quel genre d'équipe que tu vas avoir? Une équipe vraiment intéressante. On est plus jeune un petit peu parce qu'on est pratiquement un mix de... Écoute, j'ai 22 recrues pour 27 vétérans. Donc, c'est pratiquement... On est proche du 50% de recrues dans l'équipe, mais on a beaucoup de talent au niveau de nos recrues. Donc, on va avoir encore une très bonne équipe. Les attentes restent élevées pour les Gaillards du Cégep de Jonquière. On va viser encore une fois les deux premières positions de la division Nord-Est. C'est certain qu'une saison écourtée où on joue 4 matchs, on va espérer que notre jeunesse nous joue pas de tour en début de saison, parce qu'à 4 matchs, contrairement à 8 habituellement, ça donne aucune marge de manœuvre. Si tu échappes un match que tu devrais pas échapper, ben c'est sûr que ça va paraître au classement final. Mais on travaille bien avec les gars, la progression va bien. On a bien récupéré de l'hiver qu'on s'est fait écourter, là, tu sais, avec seulement 2 pratiques hivernales cet hiver, mais en étant sur le terrain depuis le 15 août, puis avec la saison qui a été reportée pas avant le 19, donc ça nous fait un bon mois, voire 5 semaines de préparation. Exactement, on va être prêt, ça, il n'y a aucun doute. OK, des cahiers de jeu, puis ainsi de suite, là. Ça, c'est au moins ça. Ta position, ta force, t'as encore le cas, certainement. Fred Clemens, oui, Frédéric Clemens est retour pour sa dernière saison. Elle va être très solide. Cette année, on a un excellent numéro 2, puis on a même un numéro 3, donc on a 3 corps arrière. Ça nous amène beaucoup de stabilité à position qu'on n'avait pas. Puis on a Olivier Lefebvre, qui vient du pavillon Wilbrod-Dufour, qui était le partant des Lynx, qui sont rendus au bol d'or juvénile l'an dernier, qui est excellent. Donc on va vraiment 3 bons carrières qui vont être capables de bien y aller avec Fred en tête, c'est sûr, en étant un vétéran de 3e année. On a aussi un bon trio de porteurs de ballon, là, encore une fois. Malgré la perte de Jordan et Glody, on a réussi à aller ramasser Samuel Paquette-Louis des Mustangs de Donny Classen, qui était le meilleur running back de la région. Là, on a été le chercher. On a 2 deuxièmes années avec lui, donc on a encore 3 bons porteurs de ballon. Puis vraiment, notre grosse force, c'est notre ligne défensive qui a tout, là. Elle est grosse, elle est rapide, elle a vraiment tout pour terroriser les lignes offensives adverses. Ces gars-là vont vraiment être tannants à chaque semaine, vont jouer un rôle important dans nos matchs. Et évidemment, dans le coin, il faut surveiller les joueurs comme Jean-Michel Robert, qui est un excellent joueur, devrait être un futur joueur de football universitaire. Marc-Antoine Robert on pourrait le mettre sur la ligne offensive, il serait notre meilleur, puis sur la ligne défensive, c'est un des meilleurs de la Ligue, sans aucun doute. On va avoir l'occasion de se parler durant le début de la saison bientôt. Merci beaucoup, François Laberge, pour son part. Plaisir, Annie. François Laberge, l'instructeur-chef des Gaillards de Jonquière.